Ça c'est bon ça. Talk about the generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Fade away. Don't try to dig what we all say. Try to cause a big sensation. Just talking about my generation. Moi j'aime bien cette chanson. Ah non merde, j'ai perdu. C'était quoi les paroles? Dallas, ton univers incroyable. Qui n'a pas regardé Dallas? Allez, Milos, ment pas. Avec Gir et Bobby. Et sous Hélène qui était bourrée. Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean sur une musique de Pierre Bénichou et Marie Groupière. Misère. Misère. Je vous le dis tout de suite, c'est le nom qu'un type a donné à son chien, parce que il est comme lui, il l'a trouvé dans la rue, si vous voulez, et que il est comme lui, alors il le comprend, parce que comme il est né dans la rue aussi, il le comprend. Je me comprends. Des fois, on a plus de contact avec un chien pauvre qu'avec un homme riche, hein. Là, dans la gueule. Ils vont prendre plein la gueule, ils s'en rendent pas compte. Tirer là-dedans, il fait chaud. Jean-Louis Chotard, Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou, Marie Groupière. Misère. Je vous le dis tout de suite, ma chanson ne passe pas à la radio, hein, vous la verrez pas à la télévision non plus. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Mais elle s'en fout, elle a quelque chose à dire. Hein. C'est pas comme les chansons qu'on voit à la radio qu'on entend à la télévision. Hein. Et alors c'est même comme ça qu'on les reconnaît, celles qui peuvent passer à la télévision. Hein. C'est parce qu'elles ont rien à dire. Là, font les ongles, si je leur mets dans la gueule. Hein ? Ce sont des conneries, des conneries, des conneries. Je m'excuse, mais merde. Je m'excuse. Hein ? Alors, tout ça, la chanson est une industrie, parce qu'une poignée d'imbéciles a réussi à être moins con que le reste. Il y a de quoi se vanter, je vous jure. Je m'excuse, mais merde. Je m'excuse. Tout ça pour faire du fric et du fric. Voilà. Et pour manger du caviar à la louche. Qu'il faut être snob, hein. Entre nous. Et derrière, il y a Philippe. Philippe. Alors, j'écoute le sketch de Coluche, il y a Philippe qui joue. De Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean. Céline, qui joue Céline. De Pierre Bénichou et Marie Groupière. Vous êtes des comiques, hein. Misère. Gars. J'ai un mélange de Coluche et des... Misère, misère. Gérard Grandjean. Quoi, Guéchia, là. De toute façon, ça va pas durer, hein. Misère. Ça va être interdit, la vente forcée, là, comme ils font, là. Parce que si on vous passe des conneries toute la journée, vous finissez par les acheter, hein. Vous n'êtes pas raisonnable, non plus. Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça ne se vende pas. De toute façon, ça va changer le métier, parce qu'il n'y a pas que dans la chanson que c'est comme ça. Le cinéma, c'est pareil. Moi, j'ai un copain, il fait un court-métrage sur les chiens d'aveugles. Eh ben, les producteurs en voulaient pas, sous prétexte que les aveugles vont pas au cinéma. Merde. Alors, il était très bien, son film. Hein? Moi, je l'ai vu, ça m'intéresse pas, moi, je suis ni chien ni aveugle. Mais quand même, il était très bien. Alors, si maintenant, les gens ne s'intéressent plus aux choses qui intéressent pas les gens, sous prétexte que ça les intéresse pas, où on va? Alors, quelle misère! Misère de Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean. Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère, tu te fais l'ennemi des petits. Tu te fais l'allié des pourris. Des pourris. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Ce qui est la moindre des choses. Convenons-en. Misère, misère. Peut-être qu'un jour ton président s'entend monter notre colère. Misère, misère, devant les peuples sans frontières, alors il s'en mordra les dents. Misère, misère, tu repartiras d'où tu viens en emportant tous tes chagrins. Tes chagrins. L'argent fera bien le bonheur des pauvres, ce qui sera la moindre des choses. Convenons-en. Convenons-en. Je suis ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien, j'aime les ordinateurs, Windows 98, ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien, aime les ordinateurs, Windows 98. Je fais des concours de calculatrice. Je suis vraiment trop con. Je fais le concours du robot Windows 98 qui balancera des balles en haut. trop con. Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien. Aime les ordinateurs, Windows 98. Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs, Windows 98. Ingénieur informaticien, recherche femme, désespérément. Je recherche une fille, un rat, une bouche, un slip, une culotte élastique, jetable. Je recherche un homme, un chien, une vache, une tourterelle, un pigeon, un arbre, un bureau, un ordinateur. Car je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Est-il mieux que Windows 95? Là est la question. Car ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Et Windows 98, vaut mieux. Mec a fait ça, il s'est drogué. Windows, elle est bugger, procédure, les fonctions, la triple injection, les températures internes de la fréquence multiplexade. C'est qui ça? Qui fait ce truc là? Bon, on s'en fait une vraie, allez. Une bonne. Une chanson en sol. Allez, c'est pour Bilos. Il faut que je parte à un, non, c'est ça? Ah oui, il faut que ça soit bien carré cette chanson, parce que c'est vraiment un tube. Ingénieur informaticien, Windows 98, c'est mieux que Vista. Et sur ma console Atari, je m'excite sur la console. Bon, j'ai perdu les paroles, putain. En plus, c'est vachement... Allez! Allez! Allez! Une chanson de... Pierre... Ingénieur informaticien. Moi j'ai Vista et c'est une belle merde. Vachement aimé Renault, mais là... je pleure, quoi, parce que Renaud, il va crever, quoi. Ouais, il a rien à foutre, quoi. Il boit du jaune et puis il s'en fout, quoi. You are really beautiful in the middle of the fool. Don't let me be a soul. Don't let me, sinon I boon my loving, my marshmallow. You are belle. Merde, j'arrive plus. Il avait fait ça quand même, hein. Non. Ben, hey, c'est du Renault, hein. C'est du Renault. Tout le monde a. Renault, il a fait des trucs super et puis. Je sais pas, j'avais ça dans la tête. Moi j'aime les ordinateurs. Mais c'est quoi ce truc là? Il est con celui-là. Bergère, toi qui prétends que mon paf est très long, que mon pâtre est fait long, n'aimes-tu point la vue de ma bite, n'aimes-tu point la vie de ma butte? Je suis bavard, mais pour me faire sucer pendant une mine, cesser pendant une minute. Maria, fais-moi donc un pompier. Marion, fais-moi donc un papier. Afin d'éviter la flatulence, du pét, la pétulance, du flatteur, j'offre ma verge aux femmes voyeuses, j'offre ma verve aux femmes joyeuses, qui bronzent leur trou à Deauville, qui bronzent leur dos à Trouville. Et tiens, je plais même aux baiseuses, et bien je plais même aux taiseuses. Moi qui ai tout l'air d'un bande, moi qui ai tant l'air d'un boudeur. Viens donc à l'auberge, on y trouve des membres au choix, on y trouve des chambres au mois, et des grands vaches, des granges à vin. Si, ça existe. Si, près des cuisines. C'est la patronne qui contrôle l'appellation de chaque, l'appellation de chaque fine. En mouillant son bouton parfois, en bouillant son mouton parfois. Son mari s'amuse à prendre la rose en à prendre la chose en riant. Il ramone les vulves à fumer, il ramone les valves à fumer. Leur fille s'astique, leur fille mastique la sotte. Elle est humide et trop, elle est timide et trop butée. Mais elle aime le goût du, mais elle aime le goût du blanc. Elle attrape au vol les roubignoles du carrousel, les rossignols du caroubier. S'extasie devant un peu de fou, s'extasie devant un feu de poutre. Elle a souvent connu, ma chère, l'amertume de la l'amer bitume de la route. Et vu des marioles sans, et vu des carrioles sans mulet. Un savant qui dans l'érection cherchait un vaccin, qui dans les régions cherchait un vaccin, lui fit dérider ses tests, lui fit détester ses ridicules. Il dit en injectant le, il dit en inspectant le germe, et comparant ses tests, et contestant ses particules. J'aimerais franchement voir ton vache, j'aimerais vachement voir ton frangin. Mm-hmm. qui ça? Mec, il est doué là. Humoristique. Soirée délire. Pour toi, Bélos, mais il faut que je prépare un peu une petite batterie. Tiens, alors on va faire avec une batterie. Ça marche pas. Joyeux Noël. jouer par billet. N'oublie pas ton petit Benji. encore. We'll be right back.

Thank you.